Chapitre 6e, le sauvetage du Norvégien. Il nous reste à expliquer ce qu'avait fait Flock après avoir quitté l'île de Sein, et par quelle suite de circonstances le Saint-Mathieu s'était perdu au ras à la place du trois-mâts étranger. Flock, nous l'avons vu, était remonté dans sa barque, atterré de la colère indignée d'Aliette, et avait mis le cap sur la baie des Trépassés avec la ferme volonté de sauver le Norvégien, s'il avait déjà levé l'ancre, si la tempête l'avait surpris au ras. En se dirigeant sur sa coque de noix vers les parages les plus dangereux de la côte, au moment où l'ouragan se déchaînait du sud-ouest, il savait parfaitement qu'il courra une mort presque certaine. Mais après ce que lui avait signifié sa promise, la vie lui importait peu s'il ne parvenait pas à empêcher la perpétration du crime projeté par Hamon. Il naviguait donc, insoucieux de lui-même, au milieu des paquets de mer, des rafales et des écueils. Grâce à son sang-froid autant qu'à sa bonne étoile et à l'habileté avec laquelle il naviguait, il passa là où tout autre aurait péri, franchit le ras, enlevé par une saute de vent qui devait le briser sur les rochers, doubla, Dieu sait comment, lance des Trépassés, la pointe du Van, sans découvrir de voile, enfin arriva dans les eaux de Cléden et de Goulienne. Là, le danger changea. Le vent soufflant du sud-ouest et les falaises étant hautes dans cette direction, la grosse mer était ailleurs, au cap de la Chèvre, qui forme au nord l'entrée de la baie de Douarnenez. Flock mit en panne à peu de distance de Cléden, dans un endroit qu'on nomme la pointe de Brézel, et interrogea l'espace. La nuit était profonde, la tempête grondait, il désespérait de rencontrer le Norvégien, tout en se disant qu'il était possible qu'il fût encore à son mouillage, lorsqu'il découvrit, à 3 ou 4 milles à l'est, à la pointe de Luguenay, les feux d'un navire, particulièrement le feu de Beaupré, reconnaissable à sa couleur, ce qui signifiait que ce navire sortait de la baie, par conséquent marchait contre le vent et ne faisait pas beaucoup de chemin. « C'est lui !» pensa Flock, larguant de nouveau sa voile. « Ohé ! Ohé ! Du navire » héla-t-il en faisant un porte-voix de ses mains après avoir nagé pendant 1 heure. « Acosta tribord !» lui répondit de la même manière un matelot. Flock donna quelques vigoureux coups d'aviron et accosta à tribord le Norvégien, saisit le câble qu'on lui tendait, y attacha sa barque et se fit hisser sur le pont. « Le capitaine ? » demanda-t-il aussitôt en interrogeant ceux des hommes de l'équipage qui s'étaient portés au-devant de lui. « C'est moi !» grommela une voix près du quai Botti. « Capitaine, » dit Flock avec animation, « j'ai à vous confier des choses de la plus grave importance, d'où dépend votre salut. » Guttorm regarda Flock avec étonnement, l'examina non sans défiance, des pieds à la tête, le fit entrer dans son banc de car et, debout contre le treillage, lui dit durement « Parle !» Flock raconta brièvement le complot ourdi par Hamon, sans nommer Aliette, dénonça le pilote et termina en disant que les naufrageurs de Plogoff attendaient le trois-mâts et qu'il était urgent de virer de bord et de mettre à la cape. Frappé de l'émotion du gars, de la sincérité de son accent, le capitaine, se rappelant que le matin Hamon avait insisté d'une façon étrange pour qu'il partît pour Concarneau, après l'avoir fait boire plus que de coutume, si bien qu'il était fortement bituré quand il leva l'ancre, se rappelant les allures suspectes du pilote, allures auxquelles il n'avait pas pris garde tout d'abord, et sans petite circonstance à l'appui du récit de Flock, le capitaine commanda à 2 matelots d'empoigner le pilote et de le mettre au fer, à fond de cale et à la mouiller entre Goulienne et Bezec, dans une crique abritée du Suroît. C'est là qu'il passait la nuit. Le lendemain, comme le vent continuait à être contraire, au lieu de poursuivre sa route vers Concarneau, il retourna à Douarnenez, où il avait un compte à régler avec Hamon et où il rentra, comme nous l'avons vu. Quant au Saint-Mathieu, son histoire était simple. Frété par Hamon, il transportait d'habitude des sardines à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle et en rapportait des vins. À La Rochelle, son chargement s'étant fait plus rapidement que de coutume, il avait quitté ce port par un temps superbe avant l'époque fixée, sans que son propriétaire le sût. Surpris par la tempête dans les eaux d'Audierne, il s'était affalé sur les écueils du Raz. Les naufrageurs avaient complété l'œuvre de l'ouragan et de tout son équipage, le second seul était parvenu à se sauver. Le naufrage du Saint-Mathieu, le retour inattendu du Norvégien, le règlement immédiat qu'exigea Guttorm, portèrent un tel coup au poissonnier qu'après 3 jours de maladie, il s'en alla rejoindre ses pères en enfer si ceux-ci lui ressemblaient. Pour Flock, il fut gratifié de 50 écus par le capitaine Guttorm en récompense de sa conduite et appelé à remplacer le pilote. Celui-ci, consigné à la maréchaussée de Pontcroix, permet à se sauver et on n'entendait plus parler de lui. Floc put retourner, le front rayonnant, à Saint et y épouser Aliette. Depuis, on le cita comme le pilote le plus hardi, le plus dévoué du district, et les naufrageurs de Plogoff et d'Audierne trouvèrent en lui un adversaire aussi implacable que vigilant. Au reste, ces honnêtes gens rencontrèrent, après 89, de telles difficultés dans l'exercice de leur métier qu'ils l'abandonnèrent, sinon par dégoût, du moins par prudence. La justice se préoccupait un peu trop de leurs opérations. En 1790, ils ne tuaient plus et ne se servaient plus de la ruse du fanal attaché à la tête d'une bâche, mais ils volaient encore avec acharnement. Aujourd'hui, grâce, il faut le reconnaître, aux gendarmes, aux commissaires de police, aux juges d'instruction, à la sévérité de la répression, à la régularité avec laquelle la justice fonctionne et aussi au progrès, au chemin de fer, qui ont bien modifié, bien transformé, bien corrigé la Bretagne, les côtiers de la baie d'Audierne ont une toute autre idée de leurs droits, de leurs devoirs, et la navigation n'a plus à se plaindre d'eux. Ainsi s'achève « Les naufrageurs de la Pointe du Raz » par Armand Dubarry.